Je crois en toi, même si la vie ment. Regarde-moi, ne t'arrête pas, secret du moment. Reviens-moi, n'abandonne pas, il me faut construire. Reviens-moi, tes arguments. Sous